mercredi à Assemblage Requis. On reçoit Simon Fidibé avec sa chronique Paul is Dead. Et les Incorrigibles seront encore une fois avec nous pour parler de... Soyez avec nous aujourd'hui dès 15h. Maintenant, l'heure de...